Nous sommes de retour à l'antenne de Prendre la Chine par son histoire et nous poursuivons avec la présentation des classiques de l'Antiquité. Je parlais juste avant la pause du classique de la musique qui était porté disparu. Mais on sait par contre que ce classique a existé, puisque des penseurs comme Confucius y font référence. On retrouve par ailleurs plusieurs éléments qui viendraient de ce classique de la musique dans un livre qui s'appelle « Le mémoire sur les rites », le Li Qi. Ce dernier texte comporte plusieurs des codes rituels anciens, incluant environ 300 rites canoniques et quelques 3000 rites secondaires. Poursuivant dans les classiques, finalement, le dernier parmi les classiques anciens est un livre qu'on appelle le Chuentio, soit les annales de la principauté de Lu. Choisi parmi les classiques parce qu'il portait sur la patrie de Confucius et dont on a même longtemps cru qu'il en était l'auteur. La période qui va du 5e au 3e siècle avant notre ère, c'est une période de rédaction et de commentaires intenses au sujet de ces ouvrages classiques, si bien que d'autres ouvrages vont venir s'ajouter aux 5 classiques initialement identifiés. Parmi les classiques qui furent ajoutés à cette époque, on note le Gongyang Chuan, se voulant un commentaire au sujet du Chuentio. Il y a aussi le Zhou Li, traitant des rituels sous les Zhou, ou encore le Zhou Chuan, portant principalement sur la rivalité existante entre les principautés de Qin et de Qi. Voilà pour les classiques de l'Antiquité, et nous pouvons reprendre l'énumération des grandes similitudes entre les différentes écoles de pensée. Nous avons identifié l'importance de l'unité, la nature contextuelle des propos, et l'héritage commun qui était partagé par les différentes écoles. Mais il y a un quatrième point qui me paraît essentiel à souligner. Il s'agit en fait d'une caractéristique de la langue chinoise, caractéristique que j'appelle la valeur allusive et suggestive inhérente à celle-ci. À l'époque des royaumes combattants, la langue chinoise écrite n'était pas encore formalisée de manière uniforme. Il restait en effet encore d'importantes nuances régionales et des particularités linguistiques, notamment parce qu'il existe une disjonction importante entre la langue parlée et la langue écrite. Cette distinction entre la langue parlée et la langue écrite est encore très net aujourd'hui, alors qu'on va dire Hanyu pour désigner la langue parlée, soit la langue des Han, et Chongwen pour la langue écrite, signifiant davantage la culture du milieu. En plus de l'importance des diversités locales qui ont eu un impact considérable sur les variantes linguistiques régionales, à une époque de transition de l'oral à l'écrit, pour de nombreux textes, il y a certaines caractéristiques de la langue qui ont considérablement impacté les manières de dire et de penser. D'abord, disons qu'il n'existe pas encore, à l'époque qui nous intéresse, de grammaire systématique et que donc, ce n'est que par l'usage des textes que les textes se comprennent. Ce qui veut dire que c'est en lisant différents auteurs et en se familiarisant avec différents textes que certaines formes verbales deviennent intelligibles. Il s'agit d'une langue qui est très rythmée à l'oral, dont la musicalité de l'expression y joue pour beaucoup, notamment pour la répétition de certaines formules et autres trucs mnémotechniques qui favorisent la mémorisation. À l'écrit, il s'agit d'une langue qui est très visuelle, qui est descriptive, évocatrice, au point qu'on a véritablement l'impression que les caractères chinois font constamment allusion à quelque chose d'autre et qu'ils suggèrent une autre signification que la signification immédiate dont ils sont porteurs. Ne perdons jamais de vue le fait que la langue chinoise montre toujours un peu plus que ce qu'elle nous raconte, et que les auteurs classiques en étaient parfaitement conscients. Si on prend quelques minutes pour présenter la langue chinoise de manière générale, on peut commencer par l'unité sémantique de base de la langue écrite, qui est ce que nous appelons un sinogramme. Sinogramme, c'est une traduction de Hanzi, qu'on appelle parfois des caractères chinois. On compte aujourd'hui environ 3500 sinogrammes différents pour ce qui est de l'usage courant. Et en considérant l'ensemble de l'histoire de la langue, on peut en trouver un peu plus de 50 000. Si vous vous rappelez bien, je vous avais dit qu'il y avait plusieurs défis à vouloir enseigner un cours d'histoire à la radio, à commencer par le fait que j'aime enseigner en écrivant au tableau pour faire voir les choses dont je parle. Vous comprendrez donc de ceci que nous sommes rendus précisément au moment fatal de cette difficulté pédagogique, puisque je dois tenter de vous faire voir ce que la langue chinoise écrite nous montre lorsqu'on la regarde. Et pourtant, je dois tenter de faire ça en vous parlant à la radio. Alors, essayons. Les sinogrammes sont divisés en trois grandes catégories distinctes. Il y a d'abord ce qu'on appelle les pictogrammes simples. Ceux-ci représentent une chose précise. Par exemple, « je », qui ressemble à un rectangle sur la hauteur avec une ligne au milieu sur la largeur, représente le soleil. « Mu », qui ressemble à une croix avec des diagonales qui lui pendent sous les bras, représente un arbre. On a aussi « shan », qui signifie une montagne et qui ressemble à une montagne. Il y a « gen », qui ressemble et qui signifie une personne. Même chose pour « yue », la lune, « ho », le feu, « ko », la bouche, etc., etc. Donc, en plus de ces pictogrammes simples, on retrouve aussi des idéogrammes simples ou combinés. Pour les idéogrammes simples qui représentent une idée, on retrouve par exemple Chong, le fameux Chong de Chongguo, qui est une ligne qui traverse un rectangle en plein milieu, qui désigne justement le milieu. Shang signifie ce qui est en haut et Xia ce qui est en bas. Et quand on regarde les deux caractères, on a l'impression qu'ils sont simplement inversés avec des lignes en haut de la barre ou en bas. On trouve une grande quantité d'idéogrammes combinés. Par exemple, on a vu un arbre qui se dit « mu », mais si on place deux arbres ensemble côte à côte, on obtient « lin », soit une petite forêt. Et si on ajoute un troisième arbre par-dessus les deux premiers, on obtient une forêt très dense, soit « sen ». Même chose avec le symbole de la personne, « gen », qu'on peut multiplier pour obtenir une foule avec trois gènes empilés les uns par-dessus les autres, on obtient « chong ». Ou encore, le gène, on peut l'emprisonner, « tio », en le confinant au milieu d'une enceinte fermée. Par ailleurs, certains sinogrammes vont encore plus loin que le fait de simplement transmettre un sens au niveau linguistique. On retrouve des sinogrammes qui racontent une histoire, qui témoignent d'une empreinte qui est à la fois sociale et culturelle, qui reflète le vécu auquel tous se réfèrent. Parmi les exemples les plus évocateurs, prenons le sinogramme « hao », signifiant tout simplement « bien, bon ». Ce sinogramme est constitué de la clé de la femme, « nu », à laquelle on y ajoute la clé du fils, « zi ». Et si on pose la question à savoir « qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est bon pour une femme dans l'histoire de la Chine ancienne », la réponse n'est jamais très éloignée du fait d'avoir un fils, qui est le sinogramme « hao ». Évidemment, tous les caractères chinois ne peuvent pas se prêter à de tels jeux d'interprétation sur le figuratif. Et surtout, La langue chinoise n'aurait pas pu continuer à évoluer et se maintenir dans les usages si c'est une langue qui était restée cantonnée à des représentations visuelles plus ou moins complexes. Pour cette raison, on trouve une troisième catégorie de sinogrammes qui vient s'ajouter aux deux autres, et il s'agit du groupe de sinogrammes qui sont les plus nombreux, constituant en fait la majorité des caractères chinois. On appelle cette troisième catégorie de sinogrammes les unités phono-sémantiques, qui sont des combinaisons de sens et de sons, avec des clés visuelles et des clés sonores. En effet, quand on observe les caractères chinois anciens, on y trouve bien souvent une clé qui sert de guide pour indiquer la prononciation voulue et une autre clé qui nous renvoie à la catégorie de signification auquel le caractère se rapporte. Donc voilà pour les composantes de base de la langue chinoise, mais revenons maintenant à l'idée de la valeur allusive, qui est l'une des composantes élémentaires des modes d'expression de la pensée en Chine. Inhérente à la langue qui la porte, on a vraiment l'impression que cette propension à suggérer autre chose que la simple chose écrite, cette valeur de suggestion symbolique se reflète aussi dans les structures argumentatives du langage. N'oublions pas que l'écriture s'est développée en concomitance avec le développement du pouvoir de la royauté en Chine. Il paraît donc tout à fait raisonnable d'imaginer alors que des manières de s'exprimer se sont précisément développées dans ce contexte, et ces manières de faire reflètent donc en quelque sorte la nature de ce contexte. La très forte propension à la valeur allusive qu'on trouve dans les propos des penseurs de la Chine s'explique en partie par l'aspect suggestif de la langue chinoise, mais aussi par le fait qu'il peut s'avérer très risqué de prendre la parole sur le plan politique. N'oublions pas que de nombreux souverains ont eu la mèche courte, n'aimant pas se faire dire directement leurs quatre vérités. Et pour y faire face, les penseurs de la Chine en sont venus à trouver des formulations détournées pour dire certaines choses. Notons, pour citer un exemple parmi plusieurs de mèches courtes à travers l'histoire, parmi les exemples les plus représentatifs de l'histoire impériale chinoise, l'empereur Han Wudi, un empereur qui a régné entre 141 et 87 avant notre ère, un empereur qui avait instauré le crime de désapprobation dans son fort intérieur. C'est un crime qui faisait en sorte que les fonctionnaires pouvaient se voir décapités pour une simple mimique, perçue comme une hésitation à l'égard des décisions impériales énoncées. À l'époque de la Chine ancienne, la prise de parole politique était risquée pour les penseurs et philosophes, et ceux-ci ont développé plusieurs stratégies rhétoriques au fil du temps, des stratégies qui leur permettaient d'affirmer indirectement des propos controversés, des propos qui risquaient de déranger, voire d'offusquer le souverain. S'ajoutant donc aux caractéristiques de la langue elle-même, la peur des représailles à l'égard des puissants a certainement contribué à développer des argumentaires suggestifs, remplis d'allusions métaphoriques, avec parfois des attaques détournées, ciblant les problèmes sans les nommer directement. Ceci implique pour nous qu'il nous faille une habitude des textes pour mieux comprendre les allusions qu'ils peuvent contenir, essentiellement parce que le niveau d'intertextualité est, dans les textes de la Chine ancienne, très élevé. Terminons cette section avec de brefs exemples pour illustrer la manière dont certaines stratégies discursives pouvaient suggérer ou faire allusion à autre chose que ce qui était raconté. On retrouve par exemple dans le Mencius, une discussion entre le roi et le philosophe. Alors que le premier s'interroge à savoir pourquoi la population de son royaume n'augmente pas plus rapidement que celle de son voisin. Le roi explique même qu'il a mis en place des mesures de biens publics pour contrer les famines et lutter contre les calamités naturelles, d'où son interrogation. Or, ce que le philosophe veut donner comme réponse est très simple, c'est que les actions humanitaires du roi ne portent pas fruit parce qu'il aime trop faire la guerre, pareil comme ses voisins. Mais pour lui faire comprendre, le philosophe va raconter une anecdote au sujet de la guerre. Anecdote qui va comme suit. Dans une armée vaincue sur le champ de bataille, des soldats s'enfuient. Il y a certains soldats qui vont s'enfuir plus rapidement, d'autres qui le font plus lentement. Ceux qui sont les plus lents, ayant pris la fuite, qui ont couru une cinquantaine de mètres, se moquent de ceux qui sont les plus rapides, qui ont déjà couru sur une distance d'une centaine de mètres. Le philosophe demande alors au roi, est-ce que c'est raisonnable pour eux de traiter les autres de peureux? Et le roi lui dit évidemment que non, puisqu'ils ont tous pris la fuite. Le philosophe répond alors que si le roi comprend cela, il comprendra pourquoi sa population n'augmente pas plus rapidement que celle de ses voisins. Un autre exemple de stratégie rhétorique détournée. Est ce qu'on pourrait appeler l'approbation par l'absurde. Par exemple, on raconte cette histoire d'un roi qui voulait mettre à mort l'oiseleur qui avait laissé s'échapper son oiseau favori. Il y a un ministre qui voulait dissuader le roi d'agir ainsi. Au lieu de lui dire de ne pas le faire, il va plutôt approuver la condamnation à mort, mais en ajoutant que l'homme devrait être châtié parce qu'il avait commis spécifiquement 3 crimes au lieu d'un seul. D'abord, l'oiseleur avait laissé s'échapper l'oiseau du roi, ce qui est très grave en soi. Ensuite, il avait fait en sorte, à cause de cela, que le roi avait décidé de mettre à mort un homme. Et finalement, comme troisième crime impardonnable, l'oiseleur avait fait en sorte, à cause de tout cela, que le royaume deviendrait ainsi la risée et une source de mépris de la part de tous les autres royaumes, parce que les hommes de partout dans le monde verraient que notre roi attache plus d'importance à la vie d'un oiseau qu'à celle d'un homme. Ainsi, malgré le fait que les penseurs chinois de l'époque des royaumes combattants se distinguaient parfois, se déclinaient en ce que nous concevons comme les 100 écoles, leurs pensées, les idées qu'elles contiennent reproduisent des schémas récurrents. Ces pensées reconduisent des thèmes communs. Elles s'expriment de manière similaire parfois sur des enjeux partagés par plusieurs. Pour cette raison, il est toujours préférable d'aborder les textes classiques de la Chine à partir d'une approche inclusive et ouverte à l'égard des variantes qu'on peut trouver chez les différents auteurs, et ne pas tenter d'expliquer les textes uniquement selon leur école d'appartenance ou selon les textes d'un seul auteur. Voilà donc pour cette partie de notre histoire que nous continuerons la semaine prochaine. Mais en attendant, en fait, pour terminer, nous allons poursuivre en musique dans notre quête pour exprimer le bonheur et l'optimisme. Pour la dernière pièce musicale de la journée, nous continuons donc avec le thème du rock, le thème de la danse et celui de la diversité. Mais cette fois, on va ajouter ce qu'on pourrait appeler la diversité par excellence. Ce que j'appelle la diversité par excellence, c'est celle qui est parfois la plus difficile à accepter. C'est la diversité qui dérange, celle qui choisit ouvertement la voie de la confrontation directe. Cette diversité, c'est celle de la voie dissidente. Le groupe qui chante cette dernière chanson pour aujourd'hui se nomme Pangu. Et ça nous permet en plus de réviser quelques notions de mythologie dont nous avons déjà parlé dans le cadre de l'épisode 2, alors que Pangu avait séparé pour nous le ciel de la terre. Le groupe se nomme Pangu et il nous offre l'air serein, enjoué, un chant qui peut les envoyer directement en prison. On retrouve dans cette chanson de Pangu la désinvolture de l'esprit punk à son meilleur, l'air de dire « Wimpy », l'esprit de confrontation là où ça compte vraiment. La chanson que je vous fais écouter se nomme « Taiwan Qingyan ». C'est une chanson qui fait l'exaltation de l'esprit de jeunesse et de révolte qui existe à Taïwan, en expliquant que si on ne défend pas ses idéaux maintenant, personne ne va le faire et bientôt personne ne pourra plus le faire. Je vous laisse donc ici pour le moment, je vous laisse y penser exactement comme la chanson nous invite à le faire, Hao Hao Xiang Yi Xiang. Voici donc Pangu qui nous chante un hommage à l'esprit de jeunesse et de rébellion de Taïwan. Voici Taiwan Qingyan. Mon nom est Carl Derry. Je vous dis à la semaine prochaine. 我们下次再见吧.